J'ai publié quelque chose aujourd'hui, là, ce midi, ben, ce qui est ici où j'habite le midi, sur l'Inde. J'arrive ce soir et je vois que on me parle des expériences de mort imminente, et puis bon, le plan des morts, le monde de la mort. Je me dis, il faut que je fasse attention. Très, très attention pour différentes raisons. Il y a beaucoup de choses que je dis ici sur YouTube que je dirais pas ça là. Comme par exemple, j'ai une grand-mère qui est très pratiquante, qui est allée faire un pèlerinage à Lourdes. Et puis il y a des choses que je dis que je ne lui dirais pas parce que par exemple, aller à l'église, ça aide certaines personnes à évacuer de l'angoisse. Ils sont rendus à un stade. Ils en ont besoin, j'ai pas le droit de. Et puis c'est un peu pareil là, par rapport à la vision que les gens ont de ces plans-là. Mais le monde de la mort, bon, c'est une bonne chose que des gens aient des expériences de sortie hors du corps, mais de mort imminente. Mais de toute façon, ça, quand ça arrive, c'est parce que, vous savez, si vous prenez une pierre et que vous la lancez dans les airs, au niveau là, du vent, de l'environnement, de la densité de l'air, peu importe, là, des éléments comme le vent ou la force aussi qui est mise dans le mouvement. Et si on pouvait avoir tous ces éléments-là, on se rendrait compte qu'il n'y a pas de hasard et on pourrait déterminer par calcul exactement où la pierre va atterrir, au sens où en science pure, il n'y a pas de hasard. C'est une des choses, il n'y a que des éléments qu'on ne peut pas faire entrer dans le calcul par faute de moyens, mais on se rendrait compte que c'est pour ça que je dis, si quelqu'un vit dans sa vie une expérience de mort imminente, c'était prévu. C'est bon qu'il y ait des personnes qui le vivent, parce que ça donne un petit clin d'œil par rapport à d'autres états que le plan matériel, si on peut dire, même s'il y en a qui ont voulu expliquer ça là, par des manques d'oxygénation dans le cerveau, il reste qu'il y a une réalité par rapport au plan là, dans ces choses-là. Mais l'être humain est toujours contrôlé, là, même à ce niveau-là, au niveau de ces expériences-là, il est toujours, il n'est pas libre, là. C'est bon que des gens vivent des choses comme ça, qu'il y en ait un petit nombre qui vivent des choses comme ça. Et ça allège aussi au niveau d'une certaine angoisse qui est présente dans l'être humain. Il y a certaines personnes, ça va les alléger d'une angoisse, d'une peur. Mais si c'était vécu là, à grande échelle, que tout le monde vivait des expériences comme ça, ce serait dangereux. Au sens où dès qu'il y a des grandes périodes de trouble, il y aurait trop de gens là, qui voudraient s'échapper du plan matériel volontairement, ça engendrerait de la fin de certaines expériences, parce que la vie est expérimentale. C'est de l'expérience, c'est le but de. Donc. Et puis on entre aussi là, dans des choses délicates, parce qu'il y a dans l'être humain l'instinct de préservation, qui est une bonne chose, mais qui doit finir par être intégré pour que ce ne soit plus un instinct de préservation, mais une volonté consciente de préservation sur le plan matériel et bon. Et puis là, on me parle un terme que je n'aime pas, là, l'astral comme une période de transition. L'expérience, c'est dans le plan matériel. Et puis, moi, à mes yeux, le plan le plus important là, qui est une finalité là, de tout le dégradé, le plan matériel est d'une importance extraordinaire, extrême, au sens où, à mes yeux, ce plan-là, là, qu'on pourrait appeler le monde de la mort, est très, très secondaire, très, très secondaire. Puis au niveau là d'acquérir et puis ce qu'on pourrait appeler dans ce qui est évolutionnaire, c'est dans le plan matériel que ça se passe. C'est dans le plan matériel que ça se passe. Et le plan le plus important, c'est le plan matériel. et même au niveau de ce qui est enregistré dans ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le monde de la mort, ces mémoires-là, entre autres, ben, des mémoires, il n'y a pas juste des mémoires, il y a d'autres choses aussi, et puis bon, c'est des choses très vastes, là. Le temps, puis l'espace sont différents. Pourtant, ça ressemble un peu au monde matériel. Et puis, ceux-là qui ont pu. C'est un peu quasiment un écho. Ces mondes-là, sans le plan matériel, n'existeraient pas. Donc, il y a d'autres plans qui existeraient, là, sans le plan matériel. Mais ce monde-là en particulier, à mes yeux, il ne pourrait pas exister parce qu'il est fait de mémoire. Expérimental sur le plan matériel, là, mais après c'est archivé. Moi, je vous le plan matériel est beaucoup plus important. Il n'y a pas ça, je tiens à le dire, là. Puis ce qui est évolutionnaire, ce qui a réellement de l'importance, c'est dans la matière que ça se passe. Il n'y a rien de plus important. Et puis ceux qui ont la mauvaise habitude de converser avec ceux qu'ils considèrent comme des morts, si vous leur parlez de ça, que vous leur dites c'est dans la matière que ça se passe, c'est la matière qui est importante, puis que vous vous mettez à. Vous allez sentir possiblement là, une agressivité. Mais même là, on entre dans des choses, c'est tellement délicat. Et puis moi, je n'avais pas nécessairement l'intention d'aborder des sujets comme ça. Mais une chose que je tiens à dire, que je considère comme important, c'est que le réel, c'est dans le plan matériel que ça se passe, et puis que ces plans-là, à certains niveaux, sont très secondaires. Ils n'auront jamais l'importance, ils ne pourraient même pas exister sans le plan matériel. Au niveau là, de ce qu'on appelle là, les plans là, de la mort, les mondes de la mort. Puis, comme je vous dis, là, ceux qui considèrent là, qu'ils ont. Moi, les morts, je veux rien savoir de. Je dis pas que j'ai pas eu. J'ai un vécu, mais moi, je veux rien savoir de ça. Ça se peut que j'en parle, ou si on m'invite à en parler, bon, je peux en parler. Mais moi, là, les morts, là, non, j'ai aucun attrait. C'est délicat, là. J'ai vu des gens. Après un décès de proche, bon, ils ont eu des chocs, ça a fait changer certaines choses, c'est pas mauvais en soi, mais il y en a que ils vont s'enfermer dans des littératures qu'il n'y a rien de. Ils vont se mettre à parler avec une urne funéraire. Il y a une dame, là, de ma connaissance, son fils est décédé, et elle discutait tous les jours avec l'urne. C'est extrêmement malsain, ça. Aussi une jeune fille là, qui était portée à ma connaissance tous les jours, elle parlait avec sa grand-mère décédée, faisait de l'écriture automatique. Moi, je vous le dis, là, à ce niveau-là, il n'y a rien de bon qui peut sortir de des choses comme ça. Puis ça, c'est pas mon opinion, c'est par rapport à ce que vous allez vous faire. Vous allez perdre de l'énergie. Vous allez être entretenu dans un esprit qui est pas. C'est pas propice là, à être. Vif, et puis la mort, c'est la mort. Vous allez mourir de toute façon. Je veux dire, à un moment donné, vous n'aurez pas le choix de. Bon, on finit toujours par rencontrer ça de toute façon. Donc, ça donne quoi, là, de votre vivant, de penser à. Hein? C'est sûr que c'est intéressant, mais je vous le dis. Comparativement au plan matériel, c'est rien. Ces mondes-là ne pourraient pas. Les mémoires archivées et puis les formes archivées dans ces mondes-là, qui sont de fréquence même parfois sur certains niveaux, parce qu'il y a des régions, la fréquence est plus basse que celle du plan matériel. Il n'y a pas. Ce n'est pas. Moi, ça ne m'impressionne pas. Et puis, ces idées-là n'ont aucune autorité dans mon mental. Je veux dire, les morts, là, il n'y a pas juste des choses ridicules décrites dans des choses comme les évangiles, par exemple, où on dit de laisser les morts enterrer les morts. Et puis, bon. Et puis, comme. René Moreau, là, qui disait la question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il une vie avant la mort? Même là, je ne veux pas encore le citer ou le pasticher, mais encore là, il a raison. Au sens où, pas au niveau de la forme, mais au sens que des êtres, des gens vivants qui sont obsédés par ce qu'il y a après la mort, qui pensent beaucoup, et qu'il y a un parasitage, là, je veux dire. Moi, je vous le dis, là, ce qui est important, c'est le plan matériel, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est beaucoup plus important. Puis ce qui est évolutionnaire, c'est dans la matière que ça se passe. C'est dans la matière que ça se passe. Et puis ceux qui ont le malheur de jaser avec des morts, vous l'aborderez ça, voir, pour voir et vous verrez, ils n'aiment pas ça. Ça va réagir. Ou alors ils vont tomber dans des. Ça va tourner en rond là, la conversation, et puis vous. C'est ce que j'ai à dire sur ça. Moi, le monde de la mort, ça ne m'intéresse pas beaucoup. M'intéresse. Oui, c'est important, les plans, les bons. Puis aussi les possibilités au niveau de. Du psychisme, de pouvoir. Bon. Mais les morts. Moi, les morts, je vais dire quelque chose que je devrais peut-être pas dire, là. Mais il m'est arrivé, là, dans des états où j'étais entre la veille et le sommeil, d'un moment donné, entendre la voix de quelqu'un de décédé. Mais à chaque fois, je vais autoritairement leur dire: Toi, tu. Non. T'as pas d'affaires, laisse-moi tranquille. Puis, pour être franc, là, ça va être des crises, là, des câlisses de. Puis je deviens. Souvent, là, je redeviens réveillé parce que ça me met en colère. Ça me met en colère. Les morts n'ont pas à exercer d'autorité sur les vivants. Puis les vivants n'ont pas de. Là, je sais que c'est pas ça qui était nécessairement abordé dans. Mais il reste que d'avoir un trop grand intérêt pour ça, ça peut être. Ça peut enclencher quelque chose qui fait que, puis je le sais que ça va, ça peut pas faire autrement que de déplaire ce que je dis là. Mais si vous voyez certains plans comme des plans de transition, oui, il y a des plans qui sont de transition, mais faut pas voir ça non plus comme une, faut pas l'idéaliser, faut pas rendre. L'être humain est surveillé dans son, ça. Ce qu'il peut savoir ou pas, et puis nous ne sommes pas libres de voir les choses comme elles sont, parce qu'il y a des intérêts à faire que, à conserver l'authenticité expérimentale de l'être humain au niveau de son expérience, de ne pas trop intervenir. Il y a des choses qui, bon. Puis moi, je vous le dis, il n'y a pas de mots pour dire à quel point le plan matériel est important. C'est ça qui est important. Et puis c'est l'expérience dans le matériel, et puis au niveau là, de ce qui est les mondes de la mort, puis ce qui est après la mort, et puis ça, à mes yeux, pour moi, c'est très, très, très secondaire. Très secondaire. Et les gens là qui s'adonnent à du spiritisme, moi, je trouve ça malsain. C'est très malsain, au point où, moi, la vie après la mort, je ne pense jamais à ça. Ça ne. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de la mort. Je n'ai pas peur de. De toute façon, bon, à un moment donné, on sait certaines choses, et puis il y a une angoisse qui disparaît parce qu'on identifie l'objet. À un moment donné, je parlerai de la peur et ce que c'est que l'angoisse, c'est-à-dire une peur qui est là, mais l'objet n'est pas dans la conscience nécessairement, l'objet de la peur. Puis comment ça se traduit dans le système, comme au niveau nerveux, l'anxiété, puis. Mais Moi, la vie après la mort, je vous le dis, là, c'est pas important tant que ça. Pour des gens là, qui sont vivants, vous êtes dans le plan matériel, vous expérimentez le monde de la mort. Ça peut, oui, je comprends, il y a un intérêt, il y a une fascination, puis des fois, bon. Mais moi, je vous le dis, là, c'est pas. Ne vous laissez pas prendre de l'attention active par des choses comme ça. Ben là, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil. Les gens très ésotériques, là, qui parlent beaucoup de la mort, là, moi, ça, là. C'est tout ce que je dis pour l'instant sur ça. C'est tout ce que je dis pour l'instant sur ça. Là, je le sens intérieurement que là, c'est quand même bon. Donc, bonjour. Et puis, prenez soin de vous, là. Puis, prenez soin de votre pour avoir une expérience. Puis, les morts, là, c'est ça, là, dans la mort. Si possible, moi, j'ai pas d'ordre à donner à personne. Mais moi, les morts, là. Bon, ben bonjour.